L'histoire commence sur le visage de Karina. L'interprétation de son expression peut facilement changer d'après les circonstances. Par exemple, si cette femme venait d'acheter un revolver pour l'utiliser dans la cour de récréation de l'école du quartier, l'expression sur son visage serait très sadique. Par contre, si son amoureux venait de la quitter après une relation de 6 ans, son visage soudainement reflèterait une profonde mélancolie. C'est sur cette expression que notre histoire commence. Une femme écorchée par l'amour. Sorry, I didn't want to turn this way. Karina ne le croit pas. Ce n'est pas parce qu'il la trompe et qu'il la quitte pour une autre femme. C'est parce qu'il lui a fait l'amour passionnément hier soir et encore ce matin. C'était son premier amoureux. Avec lui, elle avait perdu sa virginité à 15 ans. Si le jour de leur rencontre, Karina avait su qu'un jour, il allait la quitter, elle l'aurait quand même aimé. Car elle l'aime depuis le premier jour, le premier regard. Karina essaye de survivre ce passage horrible. Essaie de se suicider avec l'arme de Michel. Elle trouve que c'est poétique. Il fait de la tarte au pain. loser. A Stanley. A drop-dead Fred. I never liked him from the beginning. Don't say that. I'm sorry. But if it's the truth, I've got to say it. And that's what I'm doing. Thank you. ailes rompent avec Jenna. Elle réalise que ce n'est pas de l'amour. C'était simplement une aventure. Une expérience. Ce dont Karina ne se doutait pas, c'est que depuis le collège, Jenna avait toujours été amoureuse d'elle. Et qu'elle en rêvait depuis toutes ces années. Les deux femmes cesseront de se parler. Jenna finira par se suicider avec le revolver qu'elle avait trouvé dans l'appartement de Karina. Elle trouvait que c'était poétique. Après avoir désespérément ainsi oublié sa mauvaise aventure, un beau jour, Michel a rencontré. Michel? Maintenant que Michel est revenu, Karina réalise qu'elle ne veut plus de lui. You gotta be kidding me. Go on. Straight ahead, Brett. Son of a bitch. Son of a bitch. Et c'est ici que l'histoire finit. Comme un roman à l'eau de rose. L'histoire s'arrête sur un superbe moment. Où rien n'est fragile. Rien ne s'use. Et rien ne s'est passé. Ça va être sur un superbe moment. Où rien n'est fragile. Rien ne s'use. Et rien ne s'est passé en vain.